beaucoup de courage. Hein. Et lui, il y a tellement, tellement de choses, tellement. Tellement de problèmes, tellement de problèmes. Que si je vais prendre seulement des temps pour faire cela, on ne pourra pas finir. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et à ce qu'on a fait descendre vers vous. Notre Dieu et le vôtre sont le même Dieu et nous lui sommes soumis. C'est écrit. Vous devez dire que vous croyez dans le même Dieu, dans le même livre. C'est Sourate 29, l'araignée, verset 46. Toute âme goûtera la mort, ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés. C'est terrible. Le prophète et ses épouses plus adultères. Une bête sortira de la terre et parlera aux hommes. Oh, ça, c'est l'antichrist comme ça. Là. Et si tu prends même le cadre de l'antichrist, le Dajjal qui arrive, tu vois un temps, on dit qu'il est born de la main droite, l'autre dit dans ce Salim. Dit que c'est à la main de l'œil gauche, l'autre dit c'est l'œil droit. Et tout ça, disent que c'est le serviteur d'Allah qui a dit. Ouh. Bon, maintenant, est-ce que ma chère. Tu crois que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour tes péchés? Comment, ma chérie? Non, non, c'est tout. Non, non. Ton cœur est ton cœur, son cœur est son cœur, c'est individuel. Même quand vous êtes deux là, chacun va entrer seul là-bas. Et chacun va rendre compte à Dieu pour lui-même. Est-ce que dans votre être, en dehors du fait que tu n'es dans une famille chrétienne, que vous ne voyez quoi? Aucune considération. Non, parce que côté de ma mère chrétienne. Voilà. Ce que je vais poser comme question, c'est que ton cœur te dit que Christ Jésus est mort à la croix pour toi. Il y a quelque chose dans l'intérieur qui témoigne cela. Avant que ton raisonnement et les choses de l'extérieur essaient de te convaincre que tu ne dois pas accepter. Je dis que je vais mort sur la croix, c'est pour le feu. Mm-hmm. Bon, est-ce que tu y crois cela? Tu vas croire que je ne sais pas quoi comment. C'est que. Faut dire ce que vient de ton cœur. Je demande pas ça, je cherche maman. Je cherche maman, cherche, pardon. Cherche. Tu penses qu'il est quoi? Il est mort comme ça. Oh la vache. Tu penses que Christ Jésus est mort à la croix? Je ne sais pas. Tu es prêt à combattre pour Allah, pour donner ta vie pour Allah, sur le chemin des chantiers d'Allah. Si on te dit que, ok, il y a des mécréants qui sont en envoyer de mosquée, tu dois aller te donner l'amour. Est-ce que tu es prêt à aller? Tu sais exactement que c'est ton mari, parce qu'il a le droit d'avoir au moins 4 femmes. C'est ça, n'est-ce pas? Tu sais que même si il t'aime n'importe comment, le Coran dit qu'il ne sera jamais équitable avec toi et ton épouse, non? C'est-à-dire que c'est pas ça, mon chéri. Vous ne pourrez jamais être équitable. C'est terrible. Ouais, jamais vous ne pourrez être équitable envers vos épouses, même si vous vous efforcez de l'être. C'est ce que le Coran dit. C'est le Coran, c'est la parole d'Allah. Même si celui-ci il a 2 femmes, il s'efforce de toutes ses forces d'être équitable. Il pourra pas, donc il y aura l'injustice dans la maison. Et celui qui donne 4 épouses. Ça, c'est la sourate des femmes, hein, chapitre 4. On continue. Mmh. Alors je te pose la question aussi, mon cher. Tu penses que Jésus-Christ est mort? Bon, pour ce qui est mort sur la croix, moi, c'est, je peux dire que je ne connais pas, puisque l'islam n'enseigne pas ça. C'est l'islam d'argent. Non, je ne parle pas en parce que c'est parle en termes de l'islam. Ou en termes de l'islam. Je ne peux pas connaître parce que, bon, avant d'être musulman, mais, je ne pratiquais pas tout. Oui, mais quand tu es devenu musulman, on a dit que voilà un chrétien qui est devenu musulman. Et puisque l'islam ne connaît même pas ce que c'est qu'un chrétien. Voilà. Parce qu'on parle tout le monde. Si tu n'es musulman, forcément tu es chrétien. Voilà. Quand tu fais bon, tu es quitté chez les chrétiens pour venir. Voilà, c'est ça. Donc, on sait que tous ceux qui sont musulmans sont des chrétiens. Même les musulmans, on dit qu'ils sont seulement islamisés. Tout le monde, on sait que. Si tu n'es pas musulman, tu es un chrétien. Tu peux être mauvais. Celui qui ne parle pas l'église, il va te dire que non, il est chrétien. Tu peux dire que tu n'es pas chrétien. C'est ça. Donc, nous, on devant le métier, va qui est donc chrétien finalement et qui ne l'est pas. On ne connaît pas trop. Bon, le seul livre que j'ai beaucoup lu, c'est le Coran. Que j'ai beaucoup lu. Puisque je n'ai pas lu la Bible. Quelques rares fois. Voilà. Mais si un livre que j'ai dans le monde, j'ai beaucoup lu, là, j'ai laissé le corps, c'est le Coran. Malgré que je n'ai même pas lu la moitié ou le un tiers, mais. C'est le niveau que j'aime beaucoup. Okay. Oh, dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile, à ce qui a été descendu sur vous de la part de votre Seigneur. Donc, on dit à Mohamed de dire aux chrétiens et aux juifs que vous ne pourrez tenir sur rien tant que vous ne restez pas là-dedans. C'est ce qui est ici. Nous, la Surah, ben oui. Parce que nous, on est toujours dans. Surah 5, verset 68. J'ai dit ça avec Marie. On y va. Maintenant, toi tu es musulman. Oui. Depuis que tu es chez les musulmans, tu as entendu un musulman qui a volé. Oui. Le Coran prescrit. Suis bien encore une autre logique. Un musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Et le Coran est fait pour la guidance. Donc, on doit faire ce que le Coran dit, oui ou non. Mmh. Okay. Un musulman, d'après le Coran, s'il vole, on doit lui faire quoi? Une femme ou bien un homme? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Si je ne connais pas, je lis. Bon, le problème, c'est que, vous savez, je veux dire qu'il y a le livre des lois. Mmh. Où ça? Dans les années. Non, voici le Coran. Qu'on se base sur ça pour faire les jeunes. Suis attentivement ce que vous voulez dire. Donc, si je comprends ce que vous voulez dire, si un homme vole, par exemple, oui. Et que. Si, je peux avoir fait, je veux pas avoir de chance, je vole une canne de sucre. Mm-hmm. Bon, et un voleur qui va venir couper 10 cannes pour aller vendre. Mm-hmm. Et demain il revient. Oui. Celui-là, on le coupe le bras. Oui. Bon, je te pose la question. Parce que le vol est son métier. Bon, je te pose la question. Oui. Mohamed a-t-il laissé un livre de la loi en dehors du Coran? Oui. Mohamed a laissé un livre. Puisque le livre qu'on se base même beaucoup pour Jésus le Hadith. Voilà. C'est là chaque fois il pousse les musulmans. Parce que quand un musulman est coincé, il est. Quand un musulman est coincé, pas un problème. Parce que les musulmans ne connaissent pas tout le Coran. Non, attends, j'arrive. Oui. Le Coran dit que le Coran est d'une parfaite clarté pour guider. Il n'y a rien de compliqué dedans. Bon, ce que le Coran dit d'abord. Voilà. Et islamiquement, Mohamed était l'homme parfait de Dieu. Alors justement, c'est pour ça qu'on est. Non, attends, une fois plus, on est allé quelque part. Parce que les hadiths, les sunnahs, le sunnah, c'est la tradition et le fait et geste de Mohamed. On dit parce que le Coran dit que voyez en mon messager le modèle. Voilà. Et par conséquent, la façon dont il pisse, c'est comme ça qu'on pisse. Oui. La façon dont il fait, il fait. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on a dit que les sunnahs sur lui. Oui. Mais là, si il prend un sunnah ou bien une hadith, mais sur lui, sur quelle base tu vas me dire que ceci est authentique? Et ce n'est pas authentique, puisque personne parmi nous n'était là pour voir cela. Je prends dans le Soudan, dans le hadith de Bukhari. Oui. Dans le hadith de Bukhari, je sors des surahs là-bas, tu peux. Des sunnahs là-bas. Est-ce que tu peux croire cela? Sinon, si tu veux, je commence à te donner. Non, il faut. Automatiquement, il doit croire. Automatiquement, tu dois croire. Oui. Puisque c'est un sunna qui vient de. Par exemple, rapporter. Le sunna qui dit par exemple que. Et rapporter lorsque, par... lorsqu'on fait l'appel à la prière, Satan paie. Vous voulez que. Quand tu pisses, avec quelle main, mon cher? Quand tu laves le truc, tu laves avec quelle main? La main gauche. Pourquoi? Parce qu'on dit que la main gauche est. Disons satanique, quoi. Hein? Bon, Sourate, chapitre. La main gauche est satanique. Sourate, la table servie. Satan utilise toujours la main gauche. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas, mon cher? Satan utilise toujours la main gauche. Donc, tous les gauchers, alors? Si tu es né gaucher, tu fais comment? Si tu es musulman, tu fais l'effort d'être. Comme elle est gaucher. Ma femme est gaucher. Vous avez des problèmes. Donc elle doit faire l'effort d'être droitier. Non, moi, elle fait tout avec la main gauche, mais moi, avec la main droite, j'ai écrit avec la main droite. Vous avez là, vous avez le. Tu sais ce que c'est qu'on baille, ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qu'on baille. C'est qu'on ne doit pas péter ou qu'on va faire caca, on ne doit pas faire caca en direction de la mosquée, n'est-ce pas? De la mec. Voilà. De la mec. Pourquoi? Parce que faut que tu ne pas regarder vers le lien saint. Et le lieu où tu pries, tu mets les fesses là-bas. Oui. Donc les esprits pètent, n'est-ce pas? Parce que quand on fait l'appel à prier, Satan pète. Donc il passe son temps à péter parce que chaque jour, on peut prier partout. À 13h, il pète, à prier partout, il pète. On est d'accord? Oui. Parce que quand il sera 13h ici, il sera de péter ici. Et ce n'est pas 13h de l'autre côté là-bas. Il faut qu'il entende partout où il y a la prière pour péter. C'est vrai. Satan est omniprésent. Donc, il y a des 16 animaux. Donc, je vais arriver. J'arrive avec les sourates. J'ai les hadiths là, tous les comparables. Sourate chapitre 5, là, la table servie au verset 38. Le voleur et la voleuse à tous deux coupé la main en punition de ce qui se sont acquis et comme châtiment de la part de Allah. Allah est puissant et sage. C'est le chapitre. Sourate 5, verset 38. Donc, on a coupé la main. Depuis donc. Tu vois effectivement que pour fuir, pour ne pas obéir à Allah, on essaie de dire que non, celui qui fait du de vol le métier. La majorité des agresseurs qui sont lavés, ce ne sont pas les nordistes. Non, pas du tout. Il dit la majorité des agresseurs qui sont les Bamous. Les Bamous, c'est le seul quoi. Ce n'est pas les musulmans. C'est rien de nous, monsieur. Il dit que ce n'est pas les musulmans. Ils sont le Coran, non? Mais non. Dieu lui-même dit que l'homme n'est pas parfait. Non, mais attends, on doit être soumis à la volonté d'Allah. Oui, on n'est pas soumis, mais déjà lui-même aussi dit qu'il n'en est pas. Mais celui à qui il a dit qu'on coupe la main, la personne à qui il a dit. C'est pas seulement les. Non, on parle des musulmans. Parce que s'il parle parmi vous, donc c'est parmi les musulmans, vous ne pouvez pas aller rater quelqu'un. Il dit que si tu as un enfant, la femme vole, tu dois lui faire quoi? D'après le Coran. Pour la main. Si tu mets les vidéos des gens qu'on a de couper la main, la femme coupe la main. Oui, j'ai vu comment on coupe la main. Voilà. Si vous voulez rester par rester là-bas. Il y a un monsieur chez nous qui s'est passé comme ça. Son fils a volé. Mmh. Il a coupé la main de l'enfant. Mmh. Non, celui-là, c'est un vrai musulman. Lui-même. Mmh. L'enfant l'a vu jusqu'à la grande maman, qui a laissé les genoux. L'enfant n'a pas la main, je suis fait. Voilà. Et son père, il aime son père, n'est-ce pas? Mais il est déjà ensemble avec. Mmh. Donc c'est quand même le. C'est. Ça, c'est un bon musulman. Quand il faut tuer pour Allah, il faut qu'il tue. Là, il est vraiment. Oui. Alors, la Bible dit clairement ici que le. Voilà ce qui est dans les suicides de la cité. Chercherai-je un autre juge que Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé, pas écrit. Le Coran est bien exposé. Ceux que nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. On dit comme ça. Et il dit, nul ne peut modifier ses paroles. Il est omniscient. Donc si c'est lui qui a donné ses paroles aussi, ça ne peut pas être modifié. Parce qu'on dit, parce que l'une des choses des musulmans, c'est que pour dire que le Coran n'a pas été changé, mais la Bible a été changée. Pourtant, soi-disant, c'est la même Bible, c'est la même parole, même Allah qui a donné le Coran et la Bible. Et alors qu'Allah dit, c'est que nul ne peut modifier ses paroles. Nul ne peut modifier ses paroles. Sourate chapitre 6, le bétail, verset 115. Au paradis, les bons musulmans auront des femmes bien même. C'est ça, non? Vous avez vu ça, non? Mm-hmm. Vous même croyez ça? Mais si je crois au Coran, forcément, je dois croire. Tu dois croire à cela. Et à la résurrection dernière, donc on vous demande de fuir le sexe ici, c'est là-bas, on fuit le sexe. Alors, mes chers, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez que la prière de vendredi est prioritaire, non? La prière, c'est ce qui est écrit dans le Coran, c'est là devant moi. Non, c'est ça. Ok. La femme de Noé sera en enfer ou elle ne sera pas en enfer? Vous voulez, la femme de Noé avait été sauvée ou elle n'avait pas été sauvée? Non, est-ce que Noé est sauvée? Là, là-haut, c'est comme un enfant. Est-ce que c'est. Est-ce que ceux qui étaient dans le bateau qui étaient sauvés? Mm-hmm. Est-ce que sa femme était parmi? Je ne sais pas si sa femme était parmi. Pas mal. Non, il a mangé les gants du bureau. C'est mon corps. Non, je ne peux pas donner mon corps. Tu sais que toi, même si tu as ton courant, c'est qu'il ne peut pas toucher à ma main sans faire les ablutions. Non, on touche. C'est les gens, peut-être qu'ils ne connaissent pas que. En touchant, ça ne fait rien. Non, mais c'est ce que les musulmans disent. Non, vous savez, je vais vous dire. Je le Saint Coran, je dis le Saint Coran. Je vous dis qu'il y a beaucoup de gens dans l'islam qui ne connaissent même pas le 1 millième de. Mais comment on a lu là? Est-ce que c'est compliqué? Non, non. Il y a beaucoup de gens dans. C'est parce que les gens ont des idées, comme on parle d'échecs, c'est haut là-bas. C'est parce que les gens ont des idées, on croit qu'il faut aller, puisque c'est le corps coranique, il faut aller faire les niveaux, comme on parle de malam. Niveau malam, ainsi de suite, chaque imam pouvoir enseigner. La Bible n'a pas besoin de ça. Dieu donne son esprit. Je n'ai pas fait une école théologique. Je n'ai jamais été dans une école de pasteur. D'accord? Jamais. Il dit bien, jamais. Parce que la Bible, Dieu ne met pas déjà dans une école pour étudier. Pour lui donner la vie. Jamais. Jésus n'a pas étudié. Moïse n'a pas étudié. Personne n'a jamais étudié là-bas. Pierre, Jean, personne n'a jamais étudié. Dieu les appelle, il peut annoncer ce qu'il a annoncé. Bon, frère, est-ce que. Quelqu'un qui a un niveau, par exemple du CE1 ou CE2. Oui. Un monsieur qui a fait bac. Oui. Est-ce qu'il peut être, il peut avoir le même niveau de compréhension de la Bible? Absolument. C'est la personne qui peut même être, qui peut même dépasser dans la compréhension, c'est celui qui a fait le CPE. Ou celui qui n'a même jamais fréquenté. C'est la Bible qui enseigne comme ça. Pierre était un pécheur, il péchait seulement. Mais quand Jésus est mort, il partait pour se prêcher, il prêchait devant les gens qui ont fait des années de doctorat. La Bible déclare que quand ils entendaient Pierre parler, ils disent, mais comment ils ont ce genre de langage? Eux qui n'ont point fréquenté, sachant qu'ils sont les gens du peuple. Ils ne fréquentaient pas, ils étaient les pauvres. Mais l'Esprit de Dieu parlait, parce que Jésus avait dit que quand vous serez debout, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, c'est l'Esprit qui va parler au travers de vous. Mais quand ils entendaient la voix, ils croyaient que c'était Pierre. Parce que ça n'avait rien à voir avec son intelligence. Ce qu'on apprend sur la terre, c'est pour notre intelligence. Quand nous nous tenons pour la part de Dieu, c'est Dieu qui parle au travers de nous, sans avoir besoin de notre intelligence. D'accord? Vous savez, je suis un musulman, par exemple. Celui qui a. C'est pour ça qu'il te l'a dit. Il faut beaucoup plus fréquenter pour bien magasiner. Moi, j'ai prêché dans les mosquées. Voilà. Mais en me basant sur la dit. Voilà. C'est-à-dire que tu maîtrises quelque chose à dire. Oui. Bon, maintenant, est-ce que tu peux montrer un verset coranique qui parle des imams? Tu peux montrer un verset coranique qui demande qu'on fasse, parce qu'on a dit clairement que c'est explicite. Dans ce cas, pourquoi on doit aller fréquenter? Alors que le premier, même lui-même qui a eu ça, n'a pas fréquenté. C'est-à-dire en clair que les écoles coraniques sont contre le Coran. Voilà. Puisque d'après la base, c'est voyant en Mohamed votre modèle. Oui. C'est pas ça, hein? C'est ça. Il a fréquenté. Non, il n'a jamais été là. Ça veut dire que c'est, tout est faux là-bas, il te dit. Viens aussi t'asseoir ici, mon cher. Il n'a pas fréquenté. S'il n'a pas fréquenté, vous voyez en lui le modèle seulement quand il va péter. La Bible, enfin, comme vous avez vu là, il n'y a pas deux façons. Je vais vous lire cela. C'est Jésus qui le dit. Dans Marc chapitre 1, c'est juste. Il n'y a pas un truc qu'on porte, les bagues ou on porte, quoi que ce soit qu'on porte. Regardez. Dans Marc, là. Marc chapitre 16. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous avez compris la bonne nouvelle à toute. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la promesse de Jésus. Tu as vu ça? Maintenant, on va dans Actes des Apôtres. Chapitre 16. Verset 16 dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Et elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à lui-même. Donc, ce n'est pas compliqué chez les chrétiens. Jésus a donné l'ordre qu'on fonctionne dans son nom. Donc, c'est au nom de Jésus-Christ qu'il veut prier pour vous. Selon qui écrit là-bas, il n'y a pas de magie. C'est la même main qui a préparé pour vous, qui vous a salué tout à l'heure, qui sera imposée sur vous. Quand ça sera imposé sur vous, ce n'est pas la main qui fait quoi que ce soit. Ce n'est pas quelque chose dans ma chair, ni quoi que ce soit. C'est parce que la Bible s'y dit que si je crois, je mets la main, ça va marcher. C'est simple. De la même façon, si je fais ça, ça marche. Ça montre que la même personne qui a dit que celui qui croit en moi la vie éternelle, j'ai la vie éternelle. C'est simple. Voilà la foi est simple comme bonjour. Comme tu vois le muscle, tu touches comme ça. Comme tu touches là, c'est comme ça. Il a dit, si tu crois, tu as ça. C'est dans la main, je touche le mur. Je ne fais pas d'effort pour que, faut qu'à la fin, que Jésus-Christ dit que j'ai trop bien fait. La seule chose qu'il réclame, c'est oui ou non. Est-ce que tu crois à ce qu'il a dit? Si tu crois, c'est réglé. D'accord? Donc ici, il n'a même pas besoin de votre foi même pour votre guérison. Il va vous guérir, vous restaurer. Pour que vous sachiez que Jésus-Christ est Seigneur. Vous devez l'expérimenter. Il n'est pas là, mais il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne peux pas le présenter comme voici Jésus. Parce que, enfin, si c'est pour Jésus, il y a les églises catholiques qui parlent de Jésus. Pour Jésus, parle de Jésus. Et même, je vais parler, tout le monde parle de Jésus. Mais comment savoir s'il est vrai? Parce qu'il a promis dans la Bible que vous allez annoncer à toute la création. Tout à l'heure, j'ai tenté de vous annoncer. Il dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Vous allez dire que non, on va croire, mais il faut qu'on vérifie encore. C'est de votre droit. Moi, je n'ai rien à voir. Il vous a fait quitter Bafoussam, vous protégez jusqu'ici. Il s'agit de Jésus, pas de notre prophète. On ne prêche pas Mohamed, on ne prêche pas Moïse, on ne prêche pas Élie, on ne prêche pas telle ou telle chose. C'est Jésus seul dont il est question. Parce que c'est lui le sauveur. Pourtant, je crois à ce que Moïse a dit, je crois à ce que Élisée a dit, je crois à ce que tous les autres prophètes ont dit. Mais personne parmi les prophètes n'a jamais dit qu'il est le sauveur. Il n'y en a qu'un seul sauveur. Et c'est à lui seul qu'on croit. Si Mohamed disait des choses qui étaient vraies et qu'il ne conduisait pas Jésus, je devais croire en lui. Parce qu'ils essaient de faire en disant que non, nous croyons en tout votre prophète que vous êtes. En réalité, ils ne croient pas. Parce qu'ils disent que le prophète a dit, ils vont dire non, ils ne croient pas ça. Croire, ce n'est pas seulement dire que nous croyons qu'ils étaient les prophètes de Dieu. Okay. Ce qu'il a dit, est-ce que tu crois? N'est-ce pas si vous comprenez? Voilà. Alors, Mohamed n'est pas un prophète de Dieu. Il est un prophète, certes, mais un vrai faux. C'est choquant, mais c'est la vérité. Parce que c'est le seul qui sort de l'ordinaire et qui dit des choses qui sont contraires à tous les autres qui croient et qui disent aux gens qu'ils sont de la même lignée. Il essaie de s'insérer dans la lignée des prophètes. Il n'est pas dans la lignée des prophètes. Même pas seulement lui. Ismaël n'est pas dans la lignée des prophètes. Dieu n'appelle pas Ismaël dans la Bible prophète. Vous voyez? Ils sont deux. Esaü et Jacob sont du même ventre. C'est Jacob qui est prophète. Isaac et Ismaël sont du même ventre. C'est Isaac qui est prophète. Ismaël n'est pas prophète. C'est pas tous les descendants de ceux qui sont sortis de Jacob qui sont prophètes. Parmi tous les enfants de Jacob, c'est seulement Joseph qui est prophète. Tu vois ça, c'est pas tous les enfants, c'est pas Naphtali, Issachar, Siméon, Zabulon, tous ne sont pas des prophètes, c'est seulement Joseph seul qui est prophète. Vous comprenez, n'est-ce pas? Non, c'est pas que tout le monde là-bas était prophète, jamais. Abraham lui-même, il était trois à leur famille, lui seul est prophète, les autres n'étaient pas des prophètes. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur Jésus-Christ fasse pour toi, mon cher? Il te délivre. Il te montre la vraie route. Il te montre la vraie route. C'est que je te propose une chose. Mets-toi à genoux là-bas, tu parles. Ou bien, si vous permettez, je sors. Tu parles. Parce que c'est ce que, comme je vous ai dit tout à l'heure là, si c'est difficile de croire, je vous ai dit mon témoignage. J'ai d'abord lu le Coran quand j'étais à l'université, avant de lire la Bible. Donc, quand j'ai lu, il s'est présenté à moi. Il m'a montré là où il y a la vérité. C'est pour ça qu'il dit, même dans les enseignements, comme je vous dis là, j'ai dit aux musulmans que si ça vous dépasse, je sais qu'on vous matraque beaucoup, vous êtes né de langue, il y a la peur qui vous maintient dans les langues, que si on sort, on vous rejette, on doit vous tuer normalement, ainsi de suite. C'est une relation entre vous et Dieu. En fin de compte, c'est une relation entre une personne et Dieu. Parce que quand le jour où tu seras devant Allah pour le jugement, ta maman ne sera pas là. Ton imam ne sera pas là. Chacun sera là pour lui, n'est-ce pas? Et donc, si c'est comme ça, ce qu'il faut faire, donc, il faut chacun vérifier qu'il est en règle. Et pour vérifier donc, que tu arrêtes, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est mieux que tu parles toi-même, tu pries. Donc je vous invite donc d'abord de prier, demander au Seigneur Jésus, s'il est vrai, comme la Bible le dit, que lui-même se révèle à vous. Parce que si c'est lui qui vient à vous, vous n'aurez pas de problème, parce que vous savez qui il est. Parce que même si je suis vous parlez comme ça, je n'ai pas de preuve pour vous dire, le voici. On est d'accord? Tout ce qu'il peut faire, c'est vous présenter les Écritures. Maintenant, si vous dites, où est le Coran là-même? Vous mettez le Coran avec vous, prenez que vous dites Seigneur Jésus, si c'est toi qui as inspiré le Coran, confirme-moi. Si c'est toi, entre la Bible et le Coran, qu'est-ce que je dois prendre? Faites cette prière, même si vous ne faites pas, faites ça à la maison. Non, je peux faire même si avant vous. Voilà, faites donc cela. Faites donc cela, d'accord? Je fais comment? Prostenez-vous là où vous pouvez aller dans la chambre. C'est mieux qu'une personne. Oui. Hein? Non, je peux faire même si. Non, pas c'est magique. Parle d'abord, au moins. Parlez-lui, j'arrive. Tu vas devenir. Viens, sinon, je vais te faire tranquille. Ah, les gens sont des genoux. Viens. Parle-lui. كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفد بالخشوع كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفد بالخشوع الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها Quand il sortait avec la voiture, il est venu, il continue. Lève ta main là-bas. Il continue la moto, il descendait là-bas. Parce que comme là on tourne pour aller, il faut passer par là-bas derrière. Quand il est roulé, il était derrière moi. Donc on va appeler, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Même question pour toi. Qu'est-ce que tu as expérimenté dans ton corps que tu ne voudras plus voir? Et ma poitrine, j'ai les boules dans ma soeur. Tout bouge comme ça. Oui. Je suis en train de me faire dans ma poitrine. Il y avait une grossesse 6 mois, tout ça a disparu. Ça a disparu. Oui. Ça fait deux fois de suite disparu. Disparu. Mais depuis 7 ans, j'ai trop de boules. Même des problèmes de boules, j'ai. Donc en fait, il y a un problème dans ton corps. Oui. N'est-ce pas? Elle a revu que la piétinée. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a la sorcellerie dans ta famille. C'est la sorcellerie. Personne ne peut protéger contre ça, c'est Jésus. On va tourner le sang de ce Jésus. D'accord? Donne-moi la main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui régnait dans ton corps, je commande que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, c'est ta fin aujourd'hui. C'est ta fin. Quitte-la maintenant. Sors! Sors! Sors de son ventre! Sors de son ventre! Sors de son ventre! Sors de son ventre! Sors de son ventre! Sors de son ventre! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la plante de pieds jusqu'à ta tête, je commande que toute puissance des ténèbres qui règne dans ton corps quitte maintenant. Te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Ça, c'est une femme. Ça, c'est une sorcière qui a fait cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mets cette main là-bas. Là. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande que toute puissance des ténèbres qui régnait dans vos vies. Je commande que ça vous lâche maintenant. Vous ne pouvez plus rester. Vous m'entendez très attentivement. Je commande au nom de Jésus de Nazareth de sortir. Je commande au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Sors! Toi, puissant des ténèbres, tu m'entends. Tu m'entends, tu sors de cet homme. Tu le lâches maintenant. Ton emprise est brisée. Je brise ta puissance. Je commande la destruction de ta puissance, de ton auteur et tout ce qui maintenait ta vie. Je commande que toute puissance des ténèbres dans vos vies soit brisée maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui régnait dans vos vies, je commande que ça vous lâche maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Le nom de Jésus est puissant et vous ne pouvez pas résister. Je commande de sortir de son corps. Sors, toi puissance des ténèbres. Sors, toi puissant des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissant des ténèbres. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De le quitter maintenant. Oh, vous ne pouvez plus habiter le corps. Je commande toute puissance, toute flèche, tout poison de l'ennemi. Vous ne pouvez pas résister. Jésus-Christ vous veut hors de leur corps. Tu quittes ce couple maintenant. Lâche-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, c'est parti. C'est parti. Lâche-le, lâche-le. Sors de lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de son corps. Sors. Tu ne dois pas rester dans son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois plus rester. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter son corps. Allez, c'est parti. C'est parti. Toi, tu sors. Sors. Toi, puissant de sorcellerie. Esprit méchant. Esprit méchant. Tu n'as plus habité cette femme. Toi, avec ta maladie, avec tout ce que tu as donné comme poison dans son corps, pour nourrir son corps, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de le quitter. Sors. Sors. Sors. Tu ne peux plus résister. La puissance de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce corps appartient au Seigneur Jésus. Son corps appartient au Seigneur Jésus. Ce n'est pas le temps des maladies. Donc toi, tu lâches son corps. Sors, sors, sors, sors, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton poison que tu as mis dans son corps, je commande que ça sorte maintenant. Que tout ce qui était bloqué, tous les entrailles qui étaient bloquées, et que l'enfant soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes entrailles s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes entrailles s'ouvrent, comme pour Elisabeth, comme pour Anne. Que tes entrailles s'ouvrent. Que les entrailles de Anne et Elisabeth s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, mon cher, lève-toi, tu es libre. Lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Viens. Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi doucement, doucement, doucement. Doucement. Lève-toi, tu t'assois là-bas. Lève-toi doucement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Madame, ces choses, ce poison, tu dois lâcher ton ventre. Toi, puissant des ténèbres. Je t'ordonne, toi qui bloquais les trompes de cette femme, toi qui bloquais les trompes de cette femme, il désire lui donner le cancer, il ne souffrait pas de cancer. Son corps appartient au Seigneur Jésus. Que toute ombre dans ton corps, toute puissance de ténèbres, toute maladie, quel que soit le nom qu'on le nomme, je commande que ça te quitte maintenant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que toute maladie te quitte maintenant. au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande toute maladie, toute infirmité, toute puissance de sorcellerie, toute puissance de poison qui était dans ton corps, injectée par les ténèbres, par les puissances des ténèbres, par les puissances des sorcelleries. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, puissant des sorcelleries familiales, quitte cette femme maintenant. Comment tu te sens, mon cher? Tu veux de l'eau à boire? Non, je vais aller toilette. Après, elle est moi à À cette heure-là, on va voir ça tout à l'heure. Tu sais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Anne-Elisabeth. Elle a dit Amen. Après. C'est après qu'elle va dire Anne-Elisabeth. Non, elle s'appelle Anne-Elisabeth. Ok. Anne-Elisabeth. Comment tu te sens maintenant? Non, je sens que. Après ton mari sort, tu vas parler également, d'accord? Vous allez me donner les bonnes nouvelles, d'accord? Okay. Courage. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé quand pendant qu'on priait? Mon cœur a fait propre. Je sentais beaucoup ici. T'inquiète pas maintenant, d'accord? Je te recommande entre les mains du Seigneur Jésus, ton corps, ton âme et ton esprit. Ils entrent surtout. Qui est prêt à recevoir l'enfant de ces deux femmes? Merci Père pour tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Salut pour moi. Moi, c'est le frère Julien. Voilà ma femme là-bas. شعوب الارض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفد بالخشوع كل شعوب الارض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفد بالخشوع الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور اراضينا شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور اراضينا الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها بيصر في ايدينا وبك يا معين مجدي من حوالينا الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها شين وياك رافعين رايات واقعد غالية مينا بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يغنينا ماشيين وياك رافعين رايات واقعد غالية مينا بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يغنينا انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله